10 2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les phrases que vous entendez. 1. Il a de grosses lunettes. 2. Il a les oreilles décollées. 3. Il est chauve. 4. Il a la tête rasée. 5. Il a le menton carré et une moustache. 6. Il louche un peu. 2. Écrivez la lettre de chaque phrase que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Il a de grosses lunettes. B. Il a la tête rasée. C. Il louche un peu. D. Il est chauve. E. Il a les oreilles décollées. F. Il a le menton carré et une moustache.